qu'il mène, la team suit. Dans cette lutte, rien ne fuit. Les âmes unies dans la même lumière, dans Reus, la victoire est une prière. La forêt résonne de nos chants d'espoir, on avance ensemble loin du désespoir. Le soleil monte, la forêt s'éveille, une nouvelle journée. Radoski l'avance, fier et debout, dans ce sanctuaire, la lutte continue.